Mark M. Dan, archive.org. D'après les œuvres très complètes de Sainte Thérèse, tome 4, 1845, Abbé Migne, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Traité qui porte pour titre Odi, Filia, et Vidae, avis et règles chrétiennes pour ceux qui désirent servir Dieu. Sanche de Carille, fille d'un seigneur nommé Don Louis Fernandez de Cordoue, donné sujet à cet admirable traité. Cette demoiselle étant près d'aller à la cour pour être l'une des filles d'honneur de la reine d'Espagne, désira de se confesser avant son départ au saint prêtre Jean d'Avila, et elle fut tellement touchée de la manière dont il lui parla dans cette confession, qu'oubliant toutes les pensées du siècle pour se consacrer à Jésus-Christ, elle embrassa une manière de vie si sainte, et persévéra si constamment jusqu'à la mort, qu'elle vécut dans la maison de ses parents comme elle aurait pu faire dans un cloître. Ce fut pour la fortifier dans un si louable dessein qu'il fit cet excellent ouvrage, et il l'augmenta encore après qu'elle fut morte. Oui, cet ouvrage n'est que l'explication de ces 12e et 13e versets du psaume 44. Écoutez ma fille, ouvrez les yeux, et prêtez l'oreille, oubliez votre nation et la maison de votre père, et alors le roi concevra de l'amour pour votre beauté. Note. Encore que ce traité, qui porte pour titre, Odi, Filia, comprenne diverses matières, néanmoins les 113 chapitres qu'il contient. Allant tout de suite dans l'espagnol sans aucune distinction, on a été obligé de suivre le même ordre dans cette traduction, afin que, lorsqu'on la voudra conférer avec l'original, on le puisse faire sans peine par le rapport qu'il y aura entre les chapitres. Chapitre 1er. Des divers langages que le péché a introduits dans le monde. Fidèle épouse de Jésus-Christ, ces paroles de David que je viens de rapporter et que j'ai prises pour sujet de ce traité, sont adressées par ce saint prophète, ou pour mieux dire, Dieu les a adressées par lui à toute l'Église chrétienne, pour lui apprendre ce qu'elle doit faire pour gagner l'affection de Jésus-Christ, ce grand roi à qui elle est redevable de tous les biens qu'elle possède. Or, comme vous êtes par sa miséricorde l'une des âmes qui composent cette Église, j'ai cru vous devoir expliquer ces paroles, après avoir imploré l'assistance du Saint-Esprit, afin qu'il conduise ma plume et prépare votre cœur de telle sorte que je n'écrive rien dont vous ne puissiez tirer de l'avantage, mais que ce que je vous dirai et l'usage que vous en ferez, tourne à la gloire de Dieu et à l'accomplissement de sa sainte volonté. La première chose dont ces paroles nous avertissent, est de les écouter, et cela avec grand sujet, parce que saint Paul nous apprenant que la foi, qui est le principe de la vie spirituelle, entre dans l'âme par l'ouïe. La raison veut que l'on commence par nous avertir de ce que nous devons premièrement faire, puisqu'il nous serait fort inutile que la voix de la vérité divine frappe à nos oreilles extérieures, si elle ne se faisait point entendre aux oreilles de notre cœur, et le prêtre aurait en vain, dans notre baptême, mis son doigt dans nos oreilles en leur commandant de s'ouvrir, si elle demeurait fermée et sourde à la parole de Dieu, et que l'on pût dire de nous ce que David a dit des idoles. Elles ont des yeux et ne voient point, elles ont des oreilles et n'entendent point. Citation du psaume 113, 13. Mais, parce qu'il y a des personnes dont les discours sont si dangereux, qu'ils causent la mort comme ceux des sirènes, aux personnes qui les écoutent, il importe de savoir qui sont ceux que nous devons écouter et ceux que nous devons éviter d'entendre. Tous les hommes continuèrent à ne parler que la langue qu'ils avaient apprise d'Adam et d'Ève, jusqu'à ce que, pour punition de l'orgueil qui les porta à édifier la tour de Babel. Dieu fit que les langues se trouvèrent confondues et si diversifiées, qu'ils ne s'entendaient plus les uns les autres. Il paraît par là que, tandis que ces deux auteurs de la race de tous les hommes demeurèrent soumis à leur Créateur, l'uniformité et la paix régnaient dans leurs âmes et dans toutes leurs actions, ils étaient bien avec Dieu, bien avec eux, même, et dans l'état de cette heureuse innocence, la partie inférieure obéissait sans peine à la supérieure, mais un orgueil criminel ne leur eût pas plutôt fait mépriser le commandement de Dieu, qu'ils tombèrent et nous firent tomber avec eux dans toutes sortes de maux et dans une aussi grande confusion et d'aussi grands troubles intérieurs, que cette confusion des langues en a été une image extérieure. Or, quoiqu'il soit difficile de trouver de l'ordre dans une chose aussi désordonnée qu'est cette diversité de langage, néanmoins, pour y en mettre quelqu'un, nous les réduirons à trois, qui sont le langage du monde, le langage de la chair et le langage du démon. Le premier, selon la pensée de Saint Bernard, ne parle que de choses vaines, le second, que de choses agréables, et le troisième, que de choses mauvaises et qui ne donnent enfin que du dégoût. Du langage du monde, chapitre 2. Que nous ne devons pas écouter le langage du monde, mais mépriser ce vain honneur qui a tant de pouvoir sur l'esprit des hommes, et quelle sera la punition de ceux qui l'aiment. Comme le langage du monde n'est que mensonge et ne tâche, pour nous tromper par de fausses apparences, qu'à nous détourner de la vérité qui est réelle et subsistante, nous devons bien nous garder, ma chère fille, de l'écouter, car il nous porte à nous éloigner de Dieu et du désir de lui obéir en observant ses commandements, pour ne penser qu'à plaire au monde, et il imprime dans notre cœur une telle passion d'être estimé et honoré, qu'il nous rend semblables par notre orgueil à ces anciens Romains, dont saint Augustin dit, qu'ils ne désiraient de vivre que pour arriver à la gloire, et n'appréhendaient point de mourir pour en acquérir. Ainsi, on met l'honneur ainsi au point, que l'on ne peut souffrir la moindre parole qui marque quelque mépris, et l'on est en cela si délicat, qu'il est presque impossible d'éviter qu'il n'échappe quelques mots dont les personnes du monde s'offensent, quoique l'on n'ait aucun dessein de les fâcher, le mépris passe dans leur esprit pour une offense irrémissible, et quand même il s'en trouve quelques-uns qui voudraient bien le supporter. Leurs parents et leurs amis s'élèveraient contre eux en leur reléguant les lois du monde, qui veulent que l'on préfère l'honneur non seulement au bien, à la femme et aux enfants, mais au salut et à Dieu même. Détestable idole d'un faux honneur, que les opprobres soufferts par Jésus-Christ en la croix devraient nous faire abhorrer, quel épouvantable sacrilège est celui d'osez-vous placer dans le cœur d'un chrétien, qui est le temple du Dieu vivant, et de vouloir, comme l'antéchrist, que vous y soyez même préféré à ce Rédempteur de l'univers, qui vous a rendu si hardi que de vouloir entrer en comparaison avec lui, et d'oser même prétendre de régner, à son préjudice, dans quelques âmes, n'est-ce pas renouveler l'outrage qui lui l'eût fait, lorsqu'en demandant la liberté de Barabbas, on préféra un voleur à lui, citation, Matthieu, 27. Malheureux honneur, qui pourrait exprimer jusqu'où va la tyrannie envers ceux qui le reçoivent pour maître, et avec quelle promptitude ils l'obéissent et le servent, quelques difficultés qui s'y rencontrent. Lorsque les Israélites pressèrent à Aaron de leur faire une idole, il crut qu'il les détournerait de ce dessein, en leur demandant pour ce sujet les pendants d'oreilles d'or de leurs femmes et de leurs enfants, parce qu'ils ne pourraient s'y résoudre, citation, Exode 32, 2. Mais ils les lui donnèrent avec joie, ne trouvant rien de difficile, pourvu qu'ils eussent une idole à qui ils pussent sacrifier. Ainsi il arrive souvent qu'encore que quelqu'un reconnaisse que ce faux honneur n'est qu'une chimère, et qu'ils n'ont, pour s'affranchir de son esclavage, qu'à y renoncer, leur faiblesse est si grande, qu'ils aiment mieux continuer d'agir contre l'honneur de Dieu, que de se mettre l'esprit en repos et lui rendre l'honneur qui lui est dû en méprisant ce vain fantôme, et tombant cette sorte dans la malédiction prononcée de Dieu par un prophète contre ceux dont il dit que, pour punition de leurs péchés, ils serviront jour et nuit à de faux dieux. Jérémie 5. On peut aussi dire de ce que saint Jean dit de quelques-uns des principaux d'entre les Juifs, qu'ils croyaient en Jésus-Christ, mais que des respects humains les empêchaient de témoigner qu'ils préféraient l'honneur de Dieu à celui des hommes. Jean 12. Puisque l'on voit que, pour n'être pas méprisé des hommes, il méprise Dieu en osant observer ses commandements. Mais quoi qu'ils fassent et quelque estime qu'ils aient de ce faux honneur, cette sentence prononcée contre eux par Jésus-Christ, leur souverain juge, demeurera ferme et immuable. Si quelqu'un rougit de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme rougira aussi de lui, lorsqu'il viendra dans sa gloire et dans celle de son Père et de ses saints anges. Luc 9, 26. Ce sera alors que ces esprits bienheureux et tous les saints diront comme David : Vous êtes juste, Seigneur, et vos jugements sont équitables. Citation du psaume 118, 137. Car si des vers de terre croient qu'il leur soit honteux de suivre ce roi des rois tout éclatant de gloire et de majesté, doit-on s'étonner qu'il ait honte de les souffrir en sa compagnie et en celle de ses saints et peu, on pensait sans trembler à la manière épouvantable dont les adorateurs du faux honneur de l'orgueilleuse Babylone seront précipités dans les enfers, pour y être tourmentés éternellement avec le superbe Lucifer. Que personne donc ne se trompe en s'imaginant que l'amour de l'honneur du monde ne soit pas un très grand péché, puisque notre Seigneur, qui pénètre jusque dans les replis du cœur les plus cachés, a dit en parlant aux pharisiens : Comment pouvez-vous croire en moi, vous qui recherchez la gloire que vous vous donnez les uns aux autres, et qui ne recherchez point la gloire qui rit de Dieu seul ? Jean 5, 44. Puisque cette damnable passion de l'honneur du monde est si puissante qu'elle est capable de nous empêcher de croire en Jésus-Christ, quelle horreur ne devons-nous pas en avoir? Et saint Augustin n'a-t-il pas eu raison de dire qu'il faut l'avoir éprouvée, pour connaître jusqu'à quel point va le pouvoir qu'elle a de nous perdre? Chapitre 3. Des moyens qui peuvent nous aider à mépriser le faux honneur, et que les abaissements de Jésus-Christ nous peuvent donner la force de le surmonter. La seule lumière de la raison devrait nous fortifier contre un aussi grand mal qu'est celui de l'amour de l'honneur du monde, puisqu'elle le condamne et nous apprend qu'en faisant des choses dignes d'honneur, nous devons mépriser l'honneur. Parce que la marque d'une grande âme est de nous élever également au-dessus de l'honneur et du mépris que l'on fait de nous pour n'estimer que la vertu, mais si cette considération ne suffit pas à un chrétien pour n'avoir point de vanité, il n'a qu'à regarder Jésus-Christ attaché à la croix pour voir qu'il y fut déshonoré, de telle sorte que les outrages qu'on lui fit furent aussi excessifs que ses tourments. Et que ce ne fut pas sans raison qu'il choisit une mort si ignominieuse. Car connaissant que cet amour de l'honneur a pris un tel empire sur le cœur de plusieurs, qu'autant qu'ils s'exposent volontiers à la mort pour acquérir de l'honneur, Il la fuit lorsqu'elle est accompagnée de quelques déshonneurs. Il a voulu, pour nous faire voir que l'un ne doit pas plus nous étonner que l'autre, choisir le supplice de la croix qui n'était pas moins infâme que douloureux. Ouvrez donc les yeux, ma fille, pour considérer en cet état Jésus-Christ, traité comme le dernier des hommes, injurié, moqué et blasphémé en mille manières. C'est ainsi qu'il a accompli ce qu'il avait dit, qu'il ne cherchait point sa propre gloire. Jean 8, 50. Imitez-le, et, considérant avec attention de quelle sorte on l'a traité dans Jérusalem comme un malfaiteur, soyez remplis de confusion quand on vous rend de l'honneur, ou que vous vous sentez touché de quelque désir d'en recevoir, et dites, en jetant un profond soupir, quelle douleur doit être plus grande que la mienne lorsque je vois, Seigneur, que l'on vous accuse d'être un méchant, et que l'on veut me faire croire que je suis bonne? Ce sera le moyen, non seulement de ne vous point faire rechercher l'honneur du monde, mais de vous faire désirer d'être méprisé pour être conforme à notre Seigneur, que l'Écriture nous apprend qu'il y a tant d'honneur de suivre. Citation de l'Ecclésiaste, 3. Vous direz alors avec saint Paul, à Dieu ne plaise que je me glorifie en autre chose qu'en la croix de Jésus-Christ par qui tout le monde est mort et crucifié pour moi, comme je suis mort et crucifié pour le monde. Épître aux Galates, 6, 14. Et vous désirerez alors d'accomplir ce que dit le même apôtre, sortons hors le camp pour aller au-devant de Jésus-Christ, afin de l'imiter dans le mépris qu'il a volontairement souffert. Hébreux 13, 13. Que si la passion de ce vain honneur du monde est si puissante, l'exemple et la grâce de Jésus-Christ doivent être beaucoup plus puissants pour la vaincre et la déraciner de notre cœur, en nous faisant considérer comme une chose horrible qu'un chrétien demeure encore attaché à ce faux honneur, lorsqu'il voit que son Sauveur et son Maître, bien qu'il soit le Roi de gloire, l'a tellement méprisé, qu'il s'est abaissé jusqu'à souffrir de si grands outrages, et que pour nous exhorter à détruire cette idole, il a ajouté à son exemple ces paroles, « N'appréhendez rien, j'ai vaincu le monde », Jean 16. Ce qui est comme s'il disait, il est vrai qu'avant que je fusse descendu du ciel pour venir sur la terre, il était difficile de ne se pas laisser surprendre aux artifices du monde, de haïr ce qu'il estime, et d'aimer ce qu'il est. Mais depuis qu'après avoir employé contre moi toutes ses forces, inventé de nouveaux tourments pour m'accabler, et usé de tous les outrages imaginables, non seulement j'ai résisté à tous ces efforts, souffert toutes ces injures et tous ces mépris, mais les terrassé, les vaincu, et vous ai fait connaître sa faiblesse, qui vous empêche, chrétien, de le vaincre et de le fouler aux pieds par mon assistance? Ne devons-nous pas considérer que, puisque le monde a méprisé le Fils unique de Dieu qui est l'éternelle vérité et le bien suprême, on ne doit faire aucun cas de lui, ni ajouter aucune foi à ses promesses, mais, qu'au contraire, voyant qu'il a été si aveugle que de ne pas apercevoir une si claire lumière, et ne pas honorer celui qui mérite souverainement de l'être, nous sommes obligés d'approuver ce qu'il approuve, de haïr ce qu'il aime, de mépriser ce qu'il estime, de fuir ce qu'il recherche, et de regarder comme une marque de l'amour que Jésus-Christ nous porte, d'être méprisé et haï par celui dont il a été lui-même méprisé et haï. On peut juger par ce que je viens de dire, qu'ainsi que ceux qui sont enchantés de l'amour du monde, n'ont point d'oreille pour entendre la vérité et la parole de Dieu, Ceux qui font profession d'être à Dieu ne doivent point aussi en avoir pour écouter et ajouter foi aux mensonges et aux tromperies du monde, car soit qu'ils nous caressent ou nous persécutent, qu'ils nous flattent ou nous menacent, qu'ils tâchent de nous épouvanter ou de nous gagner par la douceur, il est toujours artificieux et ne pense qu'à nous tromper. Nous éprouvons si souvent qu'il n'est que mensonge, que si un homme avait seulement agi une fois avec nous en la même sorte qu'il y agit toujours, nous ne nous fierions jamais en lui, et à peine le croirions-nous, quand même il dirait la vérité. Mais quelque méchant que soit ce monde, il ne saurait nous faire de mal, puisqu'il ne saurait nous faire perdre la grâce de Dieu, ni seulement faire tomber un cheveu de notre tête, s'il ne lui en donne la permission, Matthieu, 10. Que s'il voulait nous persuader le contraire, ne le croyons pas, et ne soyons pas si lâches que de n'oser combattre un ennemi si peu redoutable. Chapitre 4. En quelle manière et pour quelle fin il est permis de désirer l'honneur, et que les charges honorables sont extrêmement dangereuses. Pour mieux comprendre, ma chère fille, ce que je viens de vous dire, vous devez savoir que l'on peut en deux manières aimer l'honneur et être bien aise d'être estimé, l'une, en s'arrêtant seulement à cela sans passer plus outre, ce qui est très mauvais, et l'autre, en n'y étant porté que pour quelque bonne fin, ce qui n'est ni mauvais ni blâmable, car il est certain qu'un homme élevé dans une charge qui lui donne moyen de faire beaucoup de bien peut désirer d'être estimé et honoré, afin de servir plus utilement le public, puisque si on le méprisait, on ne tiendrait compte de ses ordres quelque justes qu'ils fussent. Citation, Ecclésiaste, 41. Aussi l'Écriture sainte oblige, non seulement les personnes établies en autorité, mais généralement tous les fidèles d'avoir soin de leur réputation, non pas tant pour leur considération particulière, que parce que leur conduite doit être telle que ceux qui en ont connaissance ou qui en entendent parler est sujet d'en louer Dieu, de même qu'on lui rend grâce de la fertilité d'un arbre qui porte d'excellents fruits. Jésus-Christ nous l'a recommandé lui-même en ces termes, « Votre lumière doit luire devant les hommes, afin que voyant vos bonnes œuvres il glorifie votre Père qui est dans le ciel. » Citation Matthieu, 5, 16. Ça a été cette intention de référer à la gloire de Dieu et à l'utilité du prochain l'estime que l'on fait de nous, qui a porté saint Paul à déclarer les faveurs secrètes et les grâces si extraordinaires que Dieu lui avait faites, sans appréhender pour cela de contrevenir à ce passage de l'Écriture, que ce soit d'autres qui vous louent et non pas vous-même, Proverbe 27. Car il rapporte toutes ces faveurs qu'il avait reçues de Dieu sans s'en rien attribuer et comme si elles ne le regardaient point, pratiquant en cela la vie qu'il donne aux Corinthiens, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant point, ceux qui pleurent comme ne pleurant point, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant point, 1 Corinthiens 19, 29. Et de même du reste, en quoi il montre que pour faire un bon usage des choses temporelles, soit favorables ou contraires, il n'y faut point attacher son cœur, mais les considérer comme vaines et de peu de durée. Ainsi, quand ce grand apôtre parlait de lui-même d'une manière si avantageuse, non seulement il méprisait l'honneur, mais il aimait le mépris et réputait à gloire d'être déshonoré pour l'amour de Jésus-Christ, parce qu'il considérait comme le plus grand de tous les honneurs d'avoir quelque part à sa croix. Ceux qui sont dans une si sainte disposition peuvent sans crainte recevoir de l'honneur et parler d'eux-mêmes d'une manière qui leur est avantageuse, à cause qu'ils n'agissent de la sorte que pour quelques bonnes fins, mais, comme il faut pour cela avoir beaucoup de vertus, il s'en trouve peu qui en soient capables, parce, comme dit Saint Chrysostome, qu'il n'est pas moins difficile de recevoir des honneurs sans s'y affectionner, que d'être avec de belles femmes sans trop arrêter quelquefois sa vue sur elles. Et l'expérience nous apprend qu'il arrive rarement que les honneurs et les dignités rendent vertueux ceux qui ne l'étaient pas, au lieu qu'il n'est que trop ordinaire que de bons qu'ils étaient auparavant, ils deviennent méchants, à cause qu'il faut avoir beaucoup de force pour soutenir le poids de l'honneur, et qu'il donne des occasions de faire des chutes. Sur quoi Saint Jérôme dit, il n'y a pas sujet de s'étonner que les montagnes les plus hautes soient les plus battues des vents, et il faut sans doute avoir beaucoup plus de vertu pour commander que pour obéir. Jésus-Christ, notre souverain maître, refusa la qualité de roi, quoiqu'étant la sagesse éternelle, il put régner parfaitement, mais il voulut par cette conduite nous apprendre qu'après l'avoir vu refuser un honneur qui était pour lui sans péril, nous ne saurions, faibles comme nous sommes, en recevoir qui ne nous met en grand péril. Que si après un tel exemple que celui que Jésus-Christ nous a donné, on ne peut sans une très grande hardiesse accepter les honneurs qui nous sont offerts, que dirons-nous de ceux qui les désirent et qui les recherchent, et qui peut exprimer quel mal c'est que de les acheter à prix d'argent? On ne saurait assez s'étonner qu'il se trouve des personnes qui pouvant aller sûrement par terre s'embarquent sur la mer, non seulement lorsqu'elle est calme, mais lorsqu'elle est agitée de continuelles tempêtes, et Saint Grégoire ne dit-il pas, que l'autorité que donnent les grandes charges et la tempête de l'âme, que sera-ce donc, si outre tant de travaux et de périls où ceux qui sont élevés dans ces grandes dignités sont exposés, nous considérons cette épouvantable menace que Dieu fait dans l'Écriture et à laquelle si peu de personnes font attention. Ceux qui auront été établis en autorité sur les autres seront très sévèrement jugés. Sagesse, 6. Quelle parole, car si le jugement ordinaire de Dieu est si redoutable que même les plus vertueux tremblent et disent, n'entrez point, Seigneur, en jugement avec votre serviteur, Psaume 142. Est-il possible qu'il se trouve des personnes assez hardies pour ne point appréhender un jugement si extraordinaire et si rigoureux? 1. Roi, 10. L'exemple de Saul ne devrait-il pas les faire trembler? Ce prince, bien loin de désirer d'être roi, se cacha après qu'on l'eût choisi pour régner, et ne fut trouvé que parce que Dieu fit connaître le lieu où il s'était retiré. Néanmoins, la grandeur d'une telle dignité et les périls auxquels elle expose ceux qui y sont élevés, le firent tomber d'une manière si déplorable, qu'ayant été abandonné de Dieu, la fin de sa vie fut aussi malheureuse que le commencement de son règne avait par son assistance été heureux et glorieux. Que sera-ce donc de ceux qui, au lieu d'avoir été appelés, comme lui, dans les charges honorables, les désirs et les recherches? Il y a sujet d'admirer qu'il se trouve des gens si froids dans le service de Dieu, que lorsqu'on leur propose de faire quelque bonne œuvre, ils demandent, afin de s'en excuser, du temps pour considérer à loisir si cela ne les engagerait point à quelque péché mortel, parce que, disent-ils, connaissant leur faiblesse, ils n'osent entreprendre des choses qui demandent une grande perfection, et croient se devoir contenter de marcher tout simplement dans le service de Dieu. Mais ces personnes qui témoignent tant de lâcheté lorsqu'il s'agit de s'avancer dans la vertu qu'ils pourraient acquérir avec l'assistance de Dieu, sont si hardis quand il est question d'entrer dans les charges et les emplois honorables qui ont besoin d'une grande vertu pour en bien user, qu'ils se persuadent et veulent persuader aux autres qu'ils en sont capables et peuvent s'y engager sans rien craindre, quoique tant d'autres s'en soient mal trouvés. Ainsi le désir de l'honneur, des charges et des emplois, aveugle les hommes de telle sorte, que ceux qui n'osent entreprendre des choses bonnes, faciles et sans péril, ne craignent point d'en entreprendre de difficiles et périlleuses, et que, ne se confiant pas en l'assistance de Dieu dans de bonnes œuvres, ils se promettent hardiment qu'il les conduira comme par la main pour les rendre capables de conduire les autres, quoi qu'ils puissent leur dire avec justice, que puisqu'ils se sont engagés volontairement dans le péril, c'est à eux à s'en tirer. C'est de ces sortes de personnes qu'il a dit par un prophète, ils règnent, mais ce n'est pas moi qui les ai mis sur le trône. Ils y sont montés sans ma participation, Osée 8, c'est-à-dire sans que je l'approuvasse. Il n'y a, pour ne point tomber dans un semblable malheur, qu'à considérer que Dieu, après avoir lui-même donné Saul pour roi à son peuple, lui ôta la couronne qu'il lui avait mise sur la tête. Puisqu'il faudrait avoir un orgueil de démon pour se croire plus vertueux que le fut ce prince dans le commencement de son règne, en vérité, saint Augustin a eu grande raison de dire qu'une grande autorité étant nécessaire pour bien gouverner les peuples, on doit en user lorsqu'on est appelé dans les charges éminentes, mais qu'on ne doit point les désirer, elle y ajoute. En parlant de lui-même, qu'il désirerait, pour se sauver, d'avoir à travailler dans quelques conditions basses et humbles, afin d'éviter les périls qui se rencontrent dans celles qui sont élevées, et particulièrement lorsqu'elles regardent la conduite des âmes, où il se trouve tant de difficultés, qu'on peut la nommer la science des sciences. Après un tel exemple et celui de tant d'autres saints qui, au lieu de rechercher les honneurs, les ont refusés, ne doit-on pas les fuir? Il faut, pour entrer dans les charges, y être engagé par une inspiration de Dieu, ou par le commandement de ceux à qui l'on est obligé d'obéir ou par le conseil de personnes sages et très instruites de la manière dont on s'en doit acquitter. Et des périls qui s'y rencontrent, il faut en y entrant avoir toujours devant les yeux qui sera le jugement que Dieu prononcera de notre conduite dans ces emplois, afin que nul respect humain ne soit capable de nous porter à rien faire contre notre conscience. Au défaut de ce que je viens de dire, il faut au moins avoir de si fortes conjectures que la résolution que nous prendrons d'accepter ces charges sera agréable à Dieu, que nous puissions avec quelque confiance nous engager dans un tel péril, mais nonobstant toutes ces précautions, il ne laisse pas d'y avoir toujours sujet de craindre. C'est pourquoi il faut veiller attentivement sur nous-mêmes. Et demander instamment à Dieu qu'après nous avoir assisté dans notre entrée en ses charges, il nous y assiste jusqu'à la fin, pour nous empêcher de tomber dans une condamnation éternelle. Car on en voit plusieurs qui, après avoir vécu content dans ses emplois, voudraient à la mort n'y être jamais entrés, l'assurance dans laquelle ils croyaient auparavant avoir sujet d'être se changeant alors en de grandes appréhensions et de grandes craintes. Tant il est vrai que nous ne connaissons jamais si bien la vérité des choses temporelles que lorsque nous nous en éloignons par la mort, pour nous approcher du juste jugement de Dieu qui, étant la source adorable de la vérité, en juge selon la vérité.